moi sur ma planète, il n'y a pas de Sarkozien. On y fait la fête et on s'y sent très très bien. Et que s'est-il passé? Suis-je toujours dans ma voie lactée? Je n'ai pas bougé, pas voyagé, pourtant je suis tel un étranger. Là sur cette planète, il y a plein de Sarkoziens. On ne fait pas la fête et l'on ne s'y sent pas très bien. Les ondes, la télé, ont dû capter, téléporter. L'écran posé, recomposé, en un corps mou, au cœur cassé. Est-ce la planète où il n'y avait pas de Sarkoziens? Où l'on faisait la fête et où l'on se sentait si bien? Je n'y vois que des prostates, des juifs qui